Soyez avec nous mercredi pour une autre édition d'Assemblage requis. On va recevoir Sébastien Duluth pour faire le tour des sorties culturelles alternatives. C'est à Kiwan et Mathieu, Assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées. Et c'est mercredi 15h. À C'est fou!